Activité 24. 1. Quel âge avez-vous? 2. Quelle est la date de votre anniversaire? 3. Est-ce que vous faites du vélo? 4. Combien d'enfants est-ce que vous avez? 5. Quand partez-vous en vacances? 6. Où est-ce que vous allez en vacances? 7. Le samedi, vous faites quoi?